Je sais pas si les gens sont fous ou si je suis fou de penser que les autres le sont. Une chose est sûre, j'ai craigné au fond du trou. Naïf de croire, j'apprends à chaque leçon. Et ça va péter comme en Iran. Et c'est pire en pire, avant son chavirant. Mental de tyran, représailles le jour des guirlandes. Jusqu'au bout comme l'Ira en Irlande. Tu sens des larmes dans ses allées. Tu comprends tout quand les ennemis deviennent des alliés. Putain de merde, je me le dis à chaque fois. J'ai pas vu ni les frères ni les années s'en aller. Au fait le pauvre faut qu'on le mène à bien. Eh bien si le mien marche pas, on prendra le tien. Hein, tu me dis ça va, je te dis y'a rien. Je vois la vie en noir et blanc comme un fils de pute de descendant d'Arien. On m'a dit le temps guérira, si c'est pas le cas, j'achète tout comme un émirat. Pressing constant comme la NRA, surcoté comme la MLS, qu'on XN à fond comme la MRA. Je me rends même pas avec un point de côté. Toi tu puis juste la merde, t'es pas boycotté. Si je t'entends parler, que tu veux la guerre, on va la faire. J'espère juste t'as mis des sous de côté. 4h du mat, tu te vends Gran Turismo. Pour m'endormir, je regarde le prix des yachts. Je me sens seul comme Eastwood dans Gran Torino. Et plus tard, je paierai le prix de mes fautes. Ça vise le tiercé, c'est le but mais c'est le vide. Cette vie, j'ai pas choisi celle-ci. On se tourne vers ceux conduisant à verser. Aucune reconnaissance, comme pour tout réel à Chelsea. Tu parles de tonnes comme si t'avais l'adresse. Tu parles d'avenir comme si c'était la thèse. D'ici 4 ans, t'auras retourné ta veste. Plus personne autour de toi comme si t'avais la peste. Je regarde le monde depuis le plaza. Fuck c'est Hassa comme Tony. Fuck la terre comme la NASA. Une guerre de plus ou de moins, on n'est plus à ça. Fuck Netanyahu comme à Gaza. Je vais te dire ce que ma mère me disait. Si un homme inflige une blessure à son prochain, il lui sera fait la même chose.